Si nous considérons les épaules, vous êtes les pôles immobiles. Vous êtes à l'état larvaire. Vous êtes à l'état des organes. À tout temps considéré, vous n'êtes pas des sujets. Vous n'êtes que des objets. Vous êtes que des objets de notre physiologie. Mais vous en êtes aussi des sujets. Vous n'êtes que des objets. Vous êtes les objets de notre physiologie. Mais vous en êtes aussi des sujets.